J'ai arpenté toutes les plaines, de Saint-Denis à Bourg-la-Reine. J'ai traversé tous les déserts, de Saint-Tropez à Cavalaire. Heya, heya, en TGV, hélicoptère. Heya, heya, en sous-marin ou en dragster. J'ai le syndrome du dromadaire, avec la bosse qui déplatère. On m'appelle Joe le bourlingueur. J'ai affronté les indigènes, les lions, les beaufs et les baleines. Et de Thoiry aux eaux de Vincennes, j'ai investi tous les nids d'aigle. Les tours Eiffel, les ramatuelles et les hauts lieux intellectuels. Heya, heya, en TGV, hélicoptère. Heya, heya, en sous-marin ou en dragster. J'ai le syndrome du dromadaire, avec la bosse qui déblatère. On m'appelle Joe le bourlingueur. En sous-marin ou